بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في باب جديد toujours dans ce concerne صلاة الجنازة صلاة الفنغاء. باب في موقف الإمام من الميت où se tient l'imam par rapport au mort lorsqu'il fait la salat sur lui. يقول في الحديث 60 بعد المئة 160 حديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. Donc selon le sahabi qui est Samura ibn Jundub, il a dit que j'ai fait la salat derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur une femme qui est morte dans ses louchis, c'est-à-dire après avoir accouché. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu en son milieu, c'est-à-dire au milieu de son corps. Yaqulu Fadilat al-Shi'a ibn al-Usaymin. Le rapporteur c'est Samura ibn Jundub ibn Hilal al-Fazari. Naam. وموضوع الحديث لسجد الحديث بيان موقف الإمام من جنازة المرأة. سجد الحديث où se doit se mettre l'imam lorsqu'il fait la salat sur une femme qui est morte. La défunte c'est une femme. يقول في الشرح الإجمالي. Explication globale. صلاة الميت حق واجب لكل من يموت من المسلمين من ذكر وأنثى صغير وكبير حتى الحائض والنفساء. وفي هذا الحديث يخبرنا سمرة بن جندب أنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت وهي نفاسة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة عليها عند منتصف جسمها ليكون أستر لها عمن وراءه. Donc justement la salat sur le meyyit, sur le mort, c'est un droit qui lui revient, obligatoire. On avait expliqué que c'était un fard kifai, une obligation commune. Si certains s'en occupent de façon suffisante, cela suffit et que les autres n'ont pas à le faire. Donc toute personne qui meurt par une musulmane a droit à sa salat de janaza. Qu'ils soient un homme, une femme, un petit ou un grand, ou même une femme qui serait dans ses menstrues ou dans ses louchis. Tous y ont droit. وفي هذا الحديث يخبرنا سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت. طيب لا طيب نجد جلوسا. Donc سمرة informe qu'il a fait la salat derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur une femme, et il était dit que cette femme c'est Ka'b al-Ansariya, comme le dit le Shir dans une autre partie du char du hadith. C'est Ka'b al-Ansariya, une femme parmi les femmes de Medina. Donc elle est morte après avoir accouché. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu au milieu de son corps afin que cela soit dissimule mieux des gens qui sont derrière lui. يقول في فوائد الحديث أو في الموت دو حديث مشروعية وقوف الإمام في الصلاة على جنازة المرأة عند وسطها. Qu'il est légiféré que l'imam se tienne au milieu du corps de la femme lorsqu'il fait la salat sur elle. On parle de la défunte. ثانيا أن نفاس المرأة لا يمنع الصلاة عليها وإذا ماتت وإن كانت لا تصلي حال نفاسها. Et que le fait que la femme soit dans cette période de louchi. L'oshi, c'est-à-dire c'est le sang qui coule après les accouchements, et c'est un sang qui est impur, comme le sang des haïd, des menstrues. C'est-à-dire que la femme, à ce moment-là, ne fait pas la salat. Et malgré tout, même si elle est dans une situation où elle ne fait pas la salat, c'est-à-dire elle est excusée, on fait la salat sur elle si elle venait à mourir, qu'elle ce soit celle-ci ou celle qui a ses menstrues. Et ensuite, Cheikh Othaymine, il fait le tembi, mais en attention le fait que l'auteur n'a pas cité de hadith qui parle de d'où se doit se tenir l'imam s'il fait la salle sur un homme. Car dans les deux sahihs, il n'y a pas de hadith qui en parle. Et lui, l'auteur, parmi ses conditions, c'est de mettre que des hadiths présents dans Bukhari et Muslim ensemble, communément rapportés. Cependant, chez l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, et Tirmidhi Abu Daoud, avec un isnad qui est jugé comme authentique, selon Anas ibn Malik, tayyib, annahu salla ala janaza rajulin faqama 'inda ra'sihi wa ala janaza imra'atin faqama wasataha. فقيل له هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نعم. Donc il a rapporté que Anas ibn Malik lors d'une janaza qu'il a fait sur un homme, il s'est mis au niveau de sa tête, c'est-à-dire s'est tenu l'imam qui était Anas au niveau de la tête de l'homme, et lorsqu'il a fait la salat janaza sur une femme, il s'est tenu à son milieu. Donc il lui a été dit à Anas, est-ce comme cela que faisait le Nabi صلى الله عليه وسلم? Il a dit oui. Donc ce sahabi a confirmé que le Nabi صلى الله عليه وسلم se prenait de la sorte. Donc cela est considéré comme étant sa sunna. Donc l'homme, on fait salat sur l'homme, l'imam se tient au niveau de sa tête, Et pour la femme, il se tient au niveau de son corps, du milieu de son corps. هذا الذي أخذنا اليوم من هذا الحديث والحمد لله رب العالمين.